je regarde ces AI bosser et nous pondre au kilomètre des musiques et puis des textes plutôt pas mal agencés. Et puis tout enrobé dans des atours séducteurs de gentils riffs accrocheurs de quoi c'est sûr bien plaire à tout un tas. Moniteur, je ne sais pas où tout cela finira. Va nous conduire vers un mur où un bien les veines qui ne sait que de tirer. Et en attendant encore ce bon des pros. À tout va, je cherche les failles ou le bien. Et j'emmène cet ignorant électronique vers un avenir étrange. Et je suis pas tout seul dans cette course effrénée au résultat.